le venin couler, laisse-les rire. Y'a pas de quoi en pleurer, y'a pas de quoi se faire des angoisses. C'est toujours comme ça, au fond quoi que tu fasses, laisse-les dire. Super. Ah, j'adore.